Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je connais cette théorie, oui. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de T'es mort, Hélène de Michael Blanchard. Alors, pas de bande d'annonce disponible, donc j'enchaîne directement. C'est un film dont je vous avais déjà très brièvement parlé dans l'épisode où j'avais abordé les courts-métrages de Gérard May. Mais bon, je l'avais abordé genre très vite fait à la fin, puisque c'était mon court préféré de Gérard May. Et en fait, il se trouve que je l'ai revu au bif. Et que il m'a reclaqué la gueule encore une fois et que je... En fait, c'est même pas forcément prévu que je fasse cet épisode, mais le film est tellement puissant que j'ai entendu la chanson Stand By Me. Et en fait, c'est ça qui m'a... Voilà, c'est vraiment juste ce souvenir de « Ok, faut que je fasse un épisode dessus parce que c'est incroyable, voilà. » Il est dans mon top 2021, alors qu'il y a beaucoup de bons longs-métrages dont je vous ai parlé qui n'y sont pas, genre The Nightingale. Je trouve ce film absolument fabuleux, voilà, je vais y venir. Alors, T'es mort, Hélène, de quoi ça parle? Ça parle de Maxime, qui en fait est en... Enfin, il vit en fait avec le fantôme de son ex petite amie qui s'appelle Hélène. Voilà. Sauf que un jour, il décide de retrouver une vie stable. Il a envie de retrouver une vie stable. Et du coup, globalement, il va vouloir se débarrasser d'Hélène pour recommencer à faire des rencontres, prendre une vie stable. Sauf que Hélène, elle va pas trop vouloir. Voilà. Elle a pas l'air de l'entendre comme ça. Donc la chose qui m'a le plus plu dans ce court-métrage, c'est le mélange des genres. Je crois que je l'avais déjà dit, j'ai pas réécouté mon épisode, ce que j'avais dit sur le film avant de réenregistrer. Mais je pense que je l'avais dit, ce qui m'a le plus plu, c'est le mélange des genres que j'ai trouvé absolument génial, en fait. Je comptais pas y venir aussitôt, mais bon, vu que ça fait partie de mon explication, je vais le dire. J'ai fait une interview, j'ai eu la chance dans le cadre du BIF justement d'interviewer Michael Blanchard, le réalisateur, et Théophile Mou, donc le monsieur qui joue Maxime. Donc l'interview, le lien est dans la description, voilà, elle est dispo sur YouTube. Ce que Michael Blanchard me disait, c'est que en fait chaque segment, chaque genre correspond à une étape du deuil, voilà. Et donc ça, je trouve ça super intelligent, notamment dans l'écriture, et puis je trouve surtout que ces parties sont hyper bien gérées. C'est-à-dire qu'au début, on a de la comédie, pour le coup vraiment drôle. Clairement, y a une vanne, je crois que ça je l'avais déjà dit, mais il y a une vanne où en gros Maxime répète son speech pour larguer Hélène dans les toilettes. Et où en gros, il y a un moment où il sort « Hélène, t'es comme Patrick Swayze dans Ghost » et que ça m'a fait mourir de rire, j'ai trouvé ça super drôle. Vraiment voilà, bon, y a un ton assez léger, puis petit à petit ça va commencer à justement être un peu moins léger et ça va partir dans un vrai segment horrifique. C'est là où on se dit qu'Hélène elle peut faire peur et que franchement voilà. Et donc ouais, s'ensuit toute une scène, tout un segment horrifique où Hélène poursuit Maxime, etc. Et après il y a un je dirais pas un twist, mais un reveal qui fait que ça amène un segment un peu plus dramatique qui amène une scène, cette scène de fin qui est magnifique. Enfin bref, je n'en dis pas plus. Voilà, la scène de fin impliquant Stand By Me, c'est pour ça que j'en parlais. Vraiment, cette scène de fin m'a à la fois bouleversé, à la fois je la trouve magnifique. Donc c'est ce... En plus, les transitions en fait sont même pas... Parce que de la comédie vers l'horreur, il y a un événement qui précipite le truc en particulier, mais ça se fait très progressivement, c'est vraiment pas brusque. Donc c'est ça fait pas trop... parce que dit comme ça, ça pourrait être un sacré bordel, hein, le script, mais il est très très bien géré, il est très bien construit. Et en fait, la première transition d'un genre à l'autre, elle est très progressive, même s'il y a un événement en particulier qui va la précipiter. Donc ça fait pas forcer. Et par contre, celle qui, de l'horreur au drame, là pour le coup c'est un truc brusque. C'est vraiment un truc très très brusque. Mais c'est bien amené aussi, il y a un bel effet de mise en scène dessus, ça arrive à surprendre. Donc non, franchement c'est super cool, j'ai rien à dire sur le changement de genre. C'est ce que le réalisateur me disait, c'est que vraiment, de base en fait, ce, l'envie de faire le film venait justement de faire ces, enfin de mélanger plusieurs genres et de parler du deuil et de parler, enfin non, des ruptures amoureuses, n'importe quoi, de parler des ruptures amoureuses. Donc pour le coup, oui, il a fait ce film en ayant ça en tête et il le fait très bien. Donc voilà, je ne pense pas que tu écoutes ça, mais un grand bravo, très très grand bravo. Voilà, bon, c'est vrai que pour le coup, ça pourrait être un petit peu déjà vu, quoi, vu et revu un peu les histoires de fantômes, etc. Mais je trouve qu'il arrive à se créer une vraie identité, pour de vrai, notamment une identité visuelle. Ça, pour le coup, chaque plan, je trouvais marquant. Chaque plan, en fait, rappelle dans quel film on est. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, en fait, mais chaque plan, en fait. On sait à quel film il appartient, c'est super beau visuellement. Voilà, ça passe par plusieurs ambiances. Je pense à. Ouais, au début, ça commence dans un cinéma, donc ça, c'est. Il y a une teinte de rouge avec les sièges et les lumières du projecteur. Après, il y a un moment où ça part dans des toilettes, donc il y a une teinte un peu verte. Après, ça repart dans un restaurant, c'est assez chaleureux. Enfin voilà, ça passe par plusieurs teintes. Le directeur de la photographie est très très fort. Je n'ai pas son nom, je suis désolé. Mais très très très très fort, franchement, magnifique image. Mais ouais, en tout cas, le visuel, force tellement l'admiration. Enfin voilà, c'est. J'ai rien d'autre à dire en fait, ça force trop l'admiration, et voilà, c'est fabuleux. Donc ouais, puis il y a cette, comme je disais, cette dimension, ce sous-texte en fait, qui utilise la mort pour parler de la rupture amoureuse, c'est un peu, ouais, même métaphorique quoi. Et donc ouais, je trouve ça super bien fait, je trouve que oui, il a eu raison justement de choisir la mort, parce qu'en fait la mort c'est le truc le plus extrême, sauf que dans une rupture amoureuse, il y a pour de vrai, hein, c'est un sentiment extrême, on a l'impression qu'on va pas s'en remettre, etc. Et que voilà. Donc ouais, en fait, prendre ce truc genre très extrême qui est la mort, justement, ça rend service au propos, je trouve. Parce qu'il y a, justement ce côté extrême, ce côté de. On a l'impression que tout va s'écrouler, et que, contrairement à ce que dit un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaspard Noé, parfois le temps ne détruit pas tout. Voilà. Parfois le temps aide, le temps cicatrice. Et. Cicatrice, pardon. Et justement, c'est ce que Michel Blanchard essaye d'aborder dans ce film. C'est ce qu'il arrive, je dis essaye, mais c'est ce qu'il arrive à aborder, c'est ce qu'il arrive à bien faire, en justement avec cette métaphore de la rupture qui se caractérise à travers la mort, parce que voilà. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, le deuil dans le film est autant le deuil de la personne que le deuil de la relation. Parce que techniquement, elle est encore là, mais. Petit à petit, il fait quand même le deuil de sa relation. Et c'est pour ça qu'il veut la quitter pour reprendre une vie normale, c'est parce que il a fait le deuil et de la personne et de la relation. Enfin, après la fin, c'est vrai qu'elle est. Ah, c'est vrai qu'elle induit en erreur sur ça. Mais voilà. Donc ouais, c'est un film qui est super intelligent dans son propos, qui est surtout super bien écrit, qui. Voilà, les différents segments sont trop bien gérés en fait. C'est-à-dire que c'est un film, vous allez rire, vous allez avoir peur, vous allez pleurer, quoi. Toutes les émotions sont gérées, je trouve ça. Trop fort, honnêtement, je trouve pas de défaut en fait. Voilà, c'est, je l'ai vraiment dit au réalisateur. Je lui ai dit, mais moi je ne trouve pas de défaut dans votre film. Il m'a dit, moi j'en vois. C'est peut-être voilà, quand on fait un film, voilà, moi on est peut-être plus focalisé sur justement les erreurs, ce qu'on aurait pu faire de mieux. Mais moi je ne trouve pas de défaut dans ce film. Et donc j'adore T'es morte Hélène. C'est un coup de cœur, mais immense. Qui est vraiment une vraie pépite du cinéma de genre. Il a déjà gagné à Gérard May, il fait le tour des festivals internationaux, il a gagné 4 prix au BIFF. Vraiment super, super, super court métrage, super film. Je l'ai pas abordé, mais oui, Théophile Mou et Lucile Vigneul, les deux acteurs principaux, il faut savoir qu'ils ont déjà travaillé avec le réalisateur, ça, il en parle dans l'interview. Mais donc ouais, super aussi, super convaincant, super. Leur performance est très prenante en fait dans le rôle. Voilà, ils sont juste géniaux en fait. Donc si le film marche autant aussi, c'est parce qu'ils sont là et que ils font cette performance-là. Et puis d'ailleurs, ce qu'ils avaient l'air de dire, c'est que en fait les deux, en fait, ce que Théophile Mou a dit pendant l'interview, c'est que sans Lucile Vigneul, peut-être qu'il n'aurait pas fait le film et que voilà, il voulait le faire avec elle et que en fait les rôles ont été écrits pour eux dans tous les cas. Donc je vous en dis pas plus, tout ça c'est dans l'interview que je mettrai en description de ce podcast. Mais bref, vraiment, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur immense, immense T'es mort, Hélène. Tout est bien géré. Voilà, je résume rapidement, hein. Mélange des genres superbe, superbe. Les transitions sont bien gérées, le scénario est bien construit, c'est bien écrit. Il y a un vrai travail sur le côté métaphorique de la rupture amoureuse et du deuil. C'est bien rythmé, c'est drôle, c'est beau, c'est tout. Voilà, je vous le conseille, mais absolument, absolument, absolument, vraiment, regardez-le si vous en avez l'occasion. Et en plus, là, pour le coup, il est accessible, puisqu'il est disponible sur MyCanal. Donc, si vous avez un abonnement MyCanal, vous pouvez tout à fait le voir dès maintenant. Voilà, donc, la vie est bien faite. Voilà, donc, si vous avez un abonnement MyCanal, n'hésitez pas aussi, pour approfondir cet épisode, pour approfondir votre visionnage du film, à aller voir l'interview qui est dans la description. Le film dure 25 minutes, je l'ai pas précisé. Voilà, donc c'est très court, hein, vraiment 25 minutes, 20 et encore 20-25, ouais, par là. C'est très très court, c'est génial, enfin, voilà, vous allez vraiment passer un excellent moment, c'est une vraie pépite de cinéma de genre. Donc, bah voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder ce film. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall.